Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement lundi, heure normale de l'Internet. En manchette cette semaine, on fait plein de cognitions avec Narf, on se fait encore poser des réponses dans le super quiz interactif et désynchronisé du Grand David, et on se fait parler dans les oreilles par une toune. Il a écrit la Bible dans une salle de cinéma en regardant un film plate, et l'a ensuite traduit en 42 langues. C'était en l'an 3, et c'était David! Bonjour à tous, et bienvenue à ce quatrième épisode des Podcasts 4. Ces nouvelles petites capsules toutes vitaminées pour ensoleiller vos automnes gris, mornes et plates. Grâce à la brigade SMW. Je suis en compagnie de Narf, qui trouve que mon intro est de chnout. Ben là, c'est ma job de chialeux. Et Dolly, qui trouve qu'on est pas mal rendu au début de l'hiver, mais c'est pas grave. Oli, tu voulais nous parler... tu voulais nous parler de quelque chose? Tu voulais nous parler du Wikipédia de la brigade? C'est pas un Wikipédia. C'est un Wikipaint. C'est un paint... C'est un quoi? En tout cas, c'est quoi, là? De quoi tu veux nous parler, là? Ah ouais, accouche! Je connais pas ça, par exemple. Ok, c'est pas grave. C'est wet paint. Non, c'est beau, on peut le trouver par là. Wet paint. Qu'est-ce que tu m'as demandé, là, si je parlais du wiki de la brigade? Ouais, c'est quoi le wet paint de la brigade, là? Le wiki. Ouais, c'est parce que la brigade, on a maintenant un super wiki, que c'est comme, vous connaissez tout Wikipédia, où c'est que les gens écrivent des machins sur d'autres machins. Ben, on en a fait un pour la brigade. Fait qu'on a écrit des machins hot sur d'autres machins hot. Méchante description. Fait que, on explique plein d'affaires par rapport à la brigade. Puis on explique. Des exemples. Vite, vite. Ben, on parle des émissions de radio SNW, on dit c'est quoi. Ah on ouais. explique le secret sur la ronde. Parce que, tu sais, la ronde, c'est bien plus qu'un parc d'attractions. Ouais, voyons. Il y a tellement de choses qui se passent par rapport à la brigade, à la ronde, là. Puis il y a plein d'autres affaires. Puis qu'on parle, là, pas juste ça, plein d'autres trucs bien hot. Est-ce qu'on parle de Mother 3? J'espère que non. Je suis pas rendu là. Je suis pas rendu à parler de Mother 3. Il y a pas trop de spoilers pour le moment. On prépare une page de spoilers de Mother 3, puis après ça, genre, les secrets de la brigade SNW. Puis là, il est ça. Puis genre, il est ça, puis à un moment donné, tu dis, ah ah, c'était tout dans Mother 3, puis l'autre personne fait, oh shit. Mais faut dire aussi que sur le wiki, il y a des pages où on explique nos maudites inside jokes que personne comprend jamais. Ça, fait que ça c'est cool. Ceux qui écoutent les podcasts pis qui entendent des jokes qu'ils comprennent pas. Genre, vous nous avez sûrement déjà entendu ou lu quelque part que la téléportation donnait soif. Ah, mais là, vous allez savoir pourquoi. Là, vous avez comme fait, de quoi il parle? Ben, c'est ça, vous allez savoir c'est pourquoi. C'est encore leur joke de brigade. Ben, Godzilla, on a plein J'sais de belles pas, affaires les gars, sur Godzilla. Mais moi, j'ai vraiment soif. Comme, ok. Cool. Comment ça pète un mot de podcast. Que... Non, mais c'est parce que je viens de me téléporter à Ronde puis je suis revenu. Si, boire, t'as fait ça vite. Ben, c'est pour ça que j'ai soif. Mais faut faire attention, quand on se cogne, on pogne en feu. Hein? Ouais. Oh, je la connaissais pas. Quoi? Mais là. Une nouvelle? Oh, oui! Bon, on continue avant de vendre d'autres spoilers de Mother 3. Non, c'est même pas Hardbound en plus. Hardbound? Pas vraiment un spoiler. En fait, je sais même pas si c'est bien expliqué, mais en tout cas, fait que, allez voir notre wiki. Je sais pas si on a un. Non, rien. On peut encore parler de wiki. Bon. Qui, wiki? Fait que. Hein? Kiwi? Bon, à l'ordre. Maintenant, on est rendu à la section de la chronique à Nash. J'aurais pas donné l'adresse avant. Ah! Je connais pas l'adresse. C'est www. Ben, allez sur le site officiel de la brigade, puis cliquez sur Wiki, dans le menu à gauche. On va donner c'est à gauche-là. On va donner l'adresse de la brigade, c'est brigade.smw.googlepage avec un s.com. Bon, cool. Maintenant que t'as commencé à prendre la parole, ce serait bien que tu continues avec ta super chronique qui tue. Oh mon dieu. Je sais pas, c'est quoi, c'est de quoi tu voulais nous parler, là? Tu voulais nous parler de cognition. Ouais, ouais. C'est comme, comme quand tu vas faire des cognitions à l'épicerie. Non. À pour t'acheter du lait ou des œufs. En fait, t'en fais quand même quand tu vas faire l'épicerie sans savoir. C'est quoi de la cognition? C'est quoi du cognition? D'abord, je vais juste expliquer pourquoi je veux parler de ça. C'est parce que j'ai découvert que notre film de brigade. Moi aussi, j'ai découvert chez nous. Oh, je... Moi, j'ai découvert. Moi, j'ai découvert que notre film de brigade était vraiment poche. C'est pas ça que tu dis d'habitude. L'autre fois, je sais que dans un des podcasts précédents, j'avais fait une chronique sur pourquoi notre film de brigade était un chef-d'œuvre. J'avais t'as dit la même chose avec ta couteau, mais. Des déictiques. Ça, c'était les autoréférentialités. C'est-à-dire des trucs qui parlent du film puis qui te font décrocher de l'histoire puis habituellement qui font qu'un film est poche. Là, tu vas nous dire que la cognition, c'est toutes les choses qui fait que. Qu'un film est bon pis on les a pas, c'est ça. Ouais! Ben, ouais. Genre, exactement, ouais. Bon, ben, ça ressemble à quoi? Ok. On peut-tu éviter de tout parler en même temps? Il me semble qu'on avait conclu qu'il fallait plus faire ça. Il me semble qu'on avait conclu qu'il fallait pas pitcher nos pantoufles quand on parlait parce que c'est... Non. Oh non. Ben, oh, j'ai gagné le poteau. Ok, parle-nous de la cognition à la place de cogner le poteau. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est ça, j'ai fait un travail de recherche dans mon cours de théorie du cinéma et j'ai analysé la cognition. Alors, je me suis tapé des gros livres de psycho qui sont d'ailleurs empilés là. Ah ouais, mais là, personne ne peut les voir. Alors, j'ai lu ces livres fantastiques et j'ai appris plein de choses à propos de la cognition. Il paraît que tout le monde, quand on vit là, dans notre vie de tous les jours, on fait de la cognition. Je veux dire, David, j'aimerais bien savoir, dis-moi non, c'est quoi ton but dans la vie? Être hot. Bon, ok, ouais, ça c'est un bon exemple. Puis, c'est qu'est-ce que tu fais pour être hot? Je suis dans Brigade SNW. Parfait, bon, déjà là, on a un exemple. Ton but... c'est d'être hot, et ton sous-but pour atteindre le but d'être hot, c'est de rentrer dans la brigade, puis après ça, j'imagine de faire des activités avec le problème, c'est que je suis déjà hot. Fait que j'ai plus vraiment de but. C'est-tu cognitif, ça? Non, parce que les buts, ils se font remplacer au fur et à mesure que les buts se font accepter. Ah, ben mon nouveau but, c'est d'être riche d'abord. Ah, bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire pour être riche? Être dans Brigade SNW. Ça, c'est pas un très bon moyen pour être riche. Je sais, mais... je pense que t'es mieux de te trouver une job. J'en ai une job. Bon, ben... mais pas une job super bien payée, fait que... Ah, donc j'imagine que tu vas suivre des bons cours d'université pour avoir une bonne job, ouais, pour avoir beaucoup d'argent. Ouais. Donc, mais ça... histoire que ta chronique dure pas 15 minutes. Tout ça, c'est cette démarche-là, et ça, ils appellent ça dans les livres des plans. Oh! Ça, c'est un terme scientifique. S'il y en a qui ont de la misère à suivre, c'est normal. C'est pas trop compliqué. C'est le chemin que tu suis pour atteindre ton but. Puis, ce que mon travail essayait de démontrer de façon très scientifique, c'est que les personnages de films, dans le fond, ils ont des buts eux autres avec. Mm-hmm. Puis, c'est ça qui fait que c'est réaliste. Parce que quand les buts... là, on a parlé qu'on avait un but, mais en fait, évidemment, on en a plus qu'un en même temps, là. Mettons, un des auteurs que je lisais donnait un exemple dans un des romans. Il y avait une fille qui avait comme but de vivre avec le prince, mais qu'elle avait un amant, donc vivre avec son amant. Puis là, ben, les deux buts entraient en collision un avec l'autre, et c'est ça qui créait les émotions. Donc, bon, en tout cas, selon cet auteur-là, il disait que les émotions, c'est de là que ça vient. Donc, pour avoir quand des émotions... deux buts qui sont en paradoxe, ben, qui sont en conflit l'un avec l'autre. Ouais, paradoxal, c'est un bon mot pour résumer ça. Et ce qui arrive, c'est que donc, dans un film, ça te prend un personnage qui a plusieurs buts qui vont entrer en collision, ou bien un personnage qui a un but, un autre personnage qui a un autre but, puis ces deux buts-là vont entrer en collision. Sauf que le problème, c'est que dans le film de Brigade, aucun personnage a de but. Sauf Coppelia qui veut trouver la... Ben, la seule affaire de vaguement intéressante qu'on a dans notre film par rapport à la théorie de la cognition pour ça, c'est que la princesse a son but. Le pirate ninja a le but d'aider la princesse pour avoir de l'argent. $1 million. Ouais. Puis, et là, la sorcière a le but de protéger l'artefact. Ouais, ben, le pirate, justement, c'est que son but change en cours de film. Alors, ça crée un minimum d'émotion. Maintenant, on peut dire. Oh. Au moment. Mais le problème, c'est que c'était pas clair dans le film. Ben, ouais. Qui change de l'émotion. Mais il n'y a pas une scène en particulier où il fait comme « Oh, je suis en maudit contre... » Non, mais il dit « Oh, j'ai changé de but. » Ouais, non, ça, il dit. Il dit pas ça, c'est... Il dit, ah, j'ai tout vu, je veux vous aider. Ouais. Ah, ouais. Ah, ah, il est moche, finalement. Ah, mais je pense pas qu'on puisse dire ça. Et puis aussi, la cognition, ce que ça, l'autre partie de la théorie de la cognition, c'est à propos de la mémoire. Donc, comment le cerveau fonctionne pour décoder le film. Mais ça, je pense que je vais en parler une autre fois, parce que là, on manque de temps, puis j'ai dépassé mon time limit. Ouais, non. Ben... J'ai une idée. C'est pas comme si on savait ça fait combien de temps. Bon. Alors, c'est écrit dans le bas du lecteur. En fait, c'est parfait, là. Ça va me donner une chronique pour la prochaine fois. Je vais vous parler de la mémoire au cinéma. Dans 3 semaines. Tu vas pouvoir nous faire un parallèle entre ton pas de mémoire et la mémoire au cinéma. Ah, je pourrais faire ça. Ouais, tu peux faire ça. Je pourrais absolument faire ça. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est enchaîner dans le prochain segment le super quiz interactif désynchronisé du grand David. On l'aime. Ouais, on l'aime. Bon, ben, comme à l'accoutumée. Mais on t'aime plus, par exemple. Bon, comme à l'accoutumée, dans le fond, vous connaissez le principe. Le grand David nous a envoyé une couple de réponses auxquelles faut poser des questions parce que c'est la brigade SNW qui pose des questions. Et cette semaine, la réponse, c'est non. Je trouve que c'est trop mou et que ça pique quand le jus coule sur le bord de la bouche ainsi qu'au bout du menton. Évidemment, les réponses du grand David sont toujours un peu louches, mais c'est pas grave. Fait que, Narf, qu'est-ce que t'as répondu? Donc, ma super question, checkez bien ça. C'est comme dans le film L'Audition, quand le gars, il boit du jus puis que ça y coule tout le temps sur le menton. Vous savez, le film, tu sais, il boit du jus d'orange dans le carton. Ouais, j'avais pas ce film-là, moi. Ah, mais c'est pas grave. Le gars, il boit du jus, puis ça écoule sur le menton. Il y a toujours comme la même tache. Puis il y a tout le temps une tache sur son chandail, puis il prend tout le temps le même torchon pour s'essuyer. Bon. Mais mettons que tu bois du jus direct dans le carton, puis que pendant ce temps-là, tu touches à un tank mou avec ton doigt. tu sais, les tanks mou avec du jello comme sur Internet, là, tu sais, c'est comme tu tapes dessus, puis ils deviennent du moisi, là. Bon, ces tanks-là. Bon, mais mettons que ces tanks mou-là se font attaquer par des porcs épiques. Bon, ben en fait, je veux savoir pourquoi tu trouves que ça, là, tout ce que j'ai dit, c'est pas une bonne idée. Ben, ça se tient. Mais, faut que tu dises la réponse. Ah oui, c'est vrai. Peux-tu juste... Ah, je vais reformuler. Ben, en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu trouves que tout ce que j'ai dit, c'est une bonne idée, quelque chose à faire? Non, je trouve que c'est trop mou et que ça pique quand le jus te coule sur le bord de la bouche ainsi qu'au bout du menton. En tout cas, Naf, merci, tu viens de nous fournir en page de wiki pour le prochain mois. Moi, Ali, c'est quoi ta question? Moi, c'est... écoute, ça pourrait être comme tu bois-tu du jus de chardon, mais ça serait plate. On peut aussi dire, tu sais, est-ce que t'as comme tendance à te mutiler la face et boire du jus de citron ensuite. Oh, c'est pas bête, ça. Non, je trouve que c'est trop mou et que ça pique quand le jus te coule sur le bord de la bouche ainsi qu'au bout du menton. Mais c'est quoi le rapport avec mou? Ouais, il y en avait pas. Le citron, il fait ça dans un champ, puis à côté, il y a des vaches qui font mou! Ok, bonne explication. Ben, moi... Il était même pas sur le Moi, c'est... Est-ce que tu te fais des pepper cuts dans les yeux? Ah, ta gueule! Parce que des yeux, c'est mou. Ça coule! Ouais. Regarde! Est-ce que tu fais des pepper cuts dans les yeux? J'ai de la misère à garder mes yeux ouverts pour répondre. Non, je trouve que c'est trop mou et que ça pique quand le jus te coule sur le bord de la bouche ainsi qu'au bout du menton. Ah ouais! Gros dégueulasse! On passe au vote. Attends, on lit-tu la vraie question avant? Oui, on lit la vraie question. Peut-être meilleure. La solution, la vraie question, c'était est-ce que tu aimes manger des fruits mûrs et juteux? Pourquoi ça pique? Ben non, je trouve que c'est trop mou et que ça pique quand le jus te coule sur le bord de la bouche ainsi qu'au bout du menton. Ah oui, c'est vrai que ça pique toujours un peu. C'est vrai. Tu sais, tu manges une pomme et ça te pique un peu sur le bord de la bouche. Oui, ah oui, c'est vrai. Quand c'est juteux. Ah oui. Mais il faut que ce soit vraiment que... mûr. Ouais, c'est quoi Mais ça marche pas avec une banane trop mûre. Non. Fait qu'on passe au vote. On passe au vote. Ah, ça va être dur. Moi, je vote pour moi. Je suis désolé. Mais c'est moi, je vote pour moi. Ah non. Mais là. Monsieur Ali vote pour le grand David, on fait dur. C'est parce que j'hésite, là. T'hésites? Ouais. C'est un qui veut me donner de l'argent pour que je vote pour lui? On fait-tu qu'on peut pas voter pour nous? Ok. Ok, ben je vote pour David. Je vote pour Narf. Merci, ça m'aide beaucoup. Énormément. Non, je vais voter pour Narf parce que David c'est dégueulasse les paper cuts d'un dessus. Yes! La prochaine fois, je trouve quelque chose de pas dégueulasse parce que c'est pas. Mais c'était très bon pareil là, mais. Fait que ben c'est déjà tout pour ce podcast numéro 4. C'était Narf, Oli et le super animateur légendaire David. On va se retrouver dans le fond la semaine prochaine, lundi, pour le 5e podcast. Vous pouvez nous laisser des messages sur notre surpuissant répondeur au 514-90-PIRATE pour nous envoyer vos niaiseries. D'ailleurs, on a reçu une bonne, puis on va la mettre dans un des prochains podcasts, ça va être le fun. Peu importe si c'est pertinent ou non, là, envoyez-nous-le pareil, surtout on va toujours si s'en servir. Surtout si c'est pas pertinent. Ouais. Fait que Narf, on va se laisser sur ta sélection de la semaine pour la toune. J'ai choisi cette semaine la toune « Mes oreilles » de la chanteuse Amélie. Ça s'écrit avec un Y, donc comme Amy Lee. Si j'ai bien compris, c'est une chanteuse montréalaise et sa toune était choisie sur la sélection des tounes de la semaine sur iTunes. Moi, j'aime beaucoup cette toune-là parce que, d'abord, c'est très sympathique comme vous allez vous en rendre compte. Puis c'est surtout, j'aime beaucoup le ton qu'elle utilise quand elle chante. C'est tellement impertinent, comme si elle te rit en pleine face et elle te nargue, puis elle te parle à toi. Mais, qu'elle rit de toi. Ouais, toi. Mais toi, comme... Comme vous autres. Fait qu'elle va rire de vous. Alors, on écoute ça, et... Et c'est ça. Et bye c'est ça. Bye. On est toujours aussi doués pour conclure. Mais enfin! Tu parles, tu dis, mais tu dis rien. Que des mots en rafale, sans but et sans rien. Tu déraisonnes d'une voix qui grogne, croyant à l'illusion que l'on comprend à la force du ton. Mais voilà que tu éclates à mon plus grand désarroi, rempli de mots disparates que je ne comprends pas. Arrête tes inepties, je veux avoir le cœur net. Tu parles à l'infini, c'est pire qu'une devinette. Un déluge de mots expulsé exprès pour laver mon cerveau. Le haïku de la semaine. Plein de jus qui coule sur le menton d'une princesse qui aime un artefact. An extra syllable. C'était Mes oreilles de Amélie. Disponible sur iTunes pour 99 cents. Moi je ne t'entends pas, dis-moi d'un mot gentil et peut-être là.